Ushat amayim besoson mimaneya Yeshua. Ushat amayim besoson mimaneya Yeshua. Mai mai mai mai amayim besoson. Mai mai mai mai amayim besoson.